Matti, gennaio, Matti, gennaio, haia, hei, gennaio, Matti, gennaio, hei, hei, gennaio, Matti, gennaio, gennaio, Matti, hei, Matti, gennaio, Matti, gennaio, hei, hei, Matti. Yeah. Quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi un Mehdi, hein ? Les feuilles sombres ici, le vent ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un où, mais où ? Où, pourquoi, comment, pour qui ? La nuit, encore la nuit, le monstre, pas de monstre. Tu sais. Comment, quoi, où ? Avant. Oui, oui. Avant. Comme on dit par exemple... Thank you.

C'est toi, c'est lui, c'est lui. Oh, April night, how fair and bright. Je dirai comme toi, je dirai comme toi. La la la, la la la la. Par ici, par ici. Révolté. Je ne peux pas. Spontané, autonome. sait-il? Mais il peut. Quoi? Que peut-il? Hein? Mais il peut. Mais il court. Où donc? Où? Mais pourquoi? Mais il espère. Quoi? Ah, mais je vois le soleil disparaître. Les oiseaux chanter. Pas les mêmes. Je sens mes forces revenir. Donnée aux rebelles, la violence résout les problèmes politiques. Seigneur, mais c'est de vous dont je parle. L'histoire est triste, elle pourrait mourir. L'histoire est triste, admettre. Abominable.